بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد طيب قد أخذنا الدرس في المثنى وكامل استفهامية طيب فقلنا في المثنى اسم معرب طيب نابع المفردين لفظا ومعنى بزيادة ألف والنون ويا والنون وكان صالحان لتجريده منهما طيب وعيش بكم تشيب المثنى طيب كيف سيجيغ مثنى دجا الجول طيب الجول سي كم يبراهيم دو طيب سيجيغ دان لانج عرب ونا لو سنجولي لو جول اي لو بلوريال الجول سي دو بيرسون سيجيغ دان لانج عرب لو بلوريال كمان سو نومبر دو تخوا طيب Comment on forme le duel, Abdelkarim ? On prend le singulier, on rajoute Alif Noun. Alif ou Noun par rapport au singulier. Taïb ? Barakallahu fik. Alif ou Noun, c'est quoi ? Il sera quel ? C'est-à-dire, comment on pourrait dire ça ? Salam. C'est-à-dire, quand il sera Alif ou Noun, il sera quoi ? Marfoua, Mansour, Marfoua. Taïb ? Alif, Taïb ? Le fait de trouver, c'est-à-dire, Alamat al-Raf, al-Muthanna, Alif. طيب والياء والنون في النص والجر ان شاء الله نلغي طيب وكان صالحان لتجريده كسبوا لي ديرسا son enlève l'alif ou non le mot il change pas de c'est à dire le mot en lui-même il aura toujours le même sens طيب le fait de dire par exemple al waladu jaa al waladu on dira quoi par exemple jaa al waladani si on enlève l'alif ou non il aura toujours un sens al walad مفهوم هذا؟ طيب سي كوا لو بروفيت دو رامني ان دويل؟ طيب مي لو ايجالمون لو دويل سا رامبلاس كوا؟ نو رامبلاس لو مفرد باغ اكزومبل سي جو فو دي جاء الولد Walwaladou. Tout le monde y est là ? Au lieu de dire ça, qu'est-ce qu'on fait ? On ramène un seul mot. Dja alwaladani. Vous avez compris ça ? Un des profits et des bienfaits d'utiliser al-muthanna, mahwa, au lieu de dire par exemple dja a zaydoun wa zaydoun. Par exemple, on a deux frères qui s'appellent Zayd ici. Al-yum dja a zaydoun wa zaydoun. On dit quoi ? Dja a zaydani. Tout le monde a compris ça ? Taïb ? السلام ورحمة الله وبركاته. كيف تكوني سور كم الاستفهامية؟ ديال سي كوا؟ بوكو اون اتيليز كم؟ سي بارابور ا كوا؟ العدد اون اتيليز بارابور ا كونتيتي تو سكي رابور ا كونتيتي. وي مي كوا؟ كال شوز؟ سي كوا؟ يستفهم عن عدد مبهم. اون شوز كونتابل. نو مبهم ما معنى مبهم؟ نو. سي تي بو تخوفي. لو فاب ديتيليزي كم؟ كم كتابا عندك؟ C'est-à-dire auprès de moi, c'est quoi ? La chose qui, c'est-à-dire les nombres de livres chez toi, ils sont quoi ? Ils sont pas éclaircifiés. C'est une chose inconnue. Mais faut mal là. C'est pour ça qu'ils disent ma yustafam biya an adadin mubham yura ta'yinuhu. طيب. Qu'est-ce que tu sais également ? J'ai demandé quoi à Wahabi ? Parler de quoi ? T'as pas entendu ? Ça y est, je répète. On parlait de kam listifhamiya. Et Wahabi nous a donné la signification. On utilise qu'un pour savoir quoi ? C'est-à-dire auprès de la personne à qui on va parler, la chose elle est inconnue, le chiffre. Bon, automatiquement on demande après un adad. Également, qu'est-ce que tu sais sur Kam Istifhamiya ? Il est suivi du tamiz. C'est-à-dire après il y a un tamiz. Également ? Tamiz, nakira. Pas de question de tanwin, c'est autre chose. S'il est nakira, ouais. Également. Taïb, non. Mais oubliez dès le départ. Kam, là où s'adore le kalam. Il est toujours en début de phrase. Et après, il est suivi de son tamiz. Et le tamiz, il est quoi ? Mufrad, mansoub et nakira. Tout le monde a compris ça ? Est-ce qu'il peut être ma'rifa ? Naam, et toi ? Oui, mais ce sera pas le. Et toi ? Vous vous souvenez du tarif? Je dis non. Hein? Le tarif, on avait dit quoi? Ma yustafam biha un adad mubham. Mubham. Tu sais c'est quoi, mais tu ne connais pas le nombre. C'est-à-dire que c'est inconnu auprès de nous. Et le fait de ramener un tamiz ma'arifa, ce serait quoi? Contradictoire. Alors automatiquement, le tamiz, il est quoi? Nakira. Vous avez bien compris ça? Ça, c'est une question qui me l'a posée la dernière fois. C'était toi. C'est qui? C'est moi. Ouais. Non, pas forcément. Zaidoun, il n'y a pas d'alif wa lam, mais pourtant il est ma'arifa. Taïb. Nous, qu'on utilise kam, barakallahu fikoum, pourquoi? C'est que la quantité chez la personne, elle est inconnue. Vous avez compris ça? Al-adad. Et si on utilise un tamiz ma'arifa, ça ne devient plus nakira. T'as compris ça, Mohamed? Ouais, mais on peut parler d'une chose qu'on connaît. Comment? Là, par exemple, on demande un exemple. Kam al-kitab, indaka? Là, qu'est-ce que moi déjà, Kam al-Kitab, ça fait 1. Ah ouais, si je mets al-Kitab, ça fait combien ça? Ouais, ça fait 1. Ah ouais, alors 1 c'est quoi? C'est ma'arifa ou c'est nakira? C'est nakira. Alaykoum salam. T'as compris là? Kam al-Kitab indaka. C'est là, il ne sait pas parler l'arabe, mais j'ai compris ce que tu veux dire. Mais sinon, si je dis Kam al-Kitab indaka. Automatiquement, si je dis à Wahbi, Kam shtarita al-Kitab. C'est combien de livres? 1 livre. Ah ouais. Kam shtarita al-Kutub. Les livres. Et si je lui dis comme Ashtarit al-Kita, il va me dire là, bel, couteau Ashtarit. Il va me corriger lui-même. Parce que moi, au départ, je pensais quoi? Qu'il avait acheté qu'un seul livre. Moi et lui, on est rentrés dans la Maktaba. Et j'ai vu un livre avec lui et je savais qu'il allait l'acheter. Mais si je viens vers toi, je te dis comme Kita ben Indaka. Ou comme Kita ben Ashtarit. Je sais que tu vas acheter des livres. Mais je ne sais pas le nombre. T'as compris ça, Mohamed? Tout le monde a compris ça? C'est pas possible de dire comme Al-Kita ben Ashtarit. Parce que si je te mets alif walam, ça devient ma'arifa. Alors que moi, je suis censé quoi? Utiliser kam l'istifhamiya, c'est-à-dire l'interrogation, pour savoir combien de nombres réels que tu as acheté. T'as compris ça, Daou? Brahim? Décalé? Tout le monde a compris, Inch'Allah? Wahbi, bien ou... C'est bon, Mohamed, là? Et ça, c'est important, ça. T'as On avait fini l'exercice, hein? Je veux dire la leçon. Bismillah alors. Ad-dars al-tasi'a 10. Tafaddal ya Zaid. Bismillah. Kam taliban jadidan. Taliban. Kam taliban jadidan fil faslika. Pas fil. Y a pas ni fil. Fil faslika. Ya Cheikh. Pourquoi on peut pas mettre Alif Lam là, fil faslika? Parce qu'il est déjà ma'arif, parce qu'il est modaf. Voilà, il est modaf, modaf il est. Et le modaf il est quoi? Prends pas de Alif Lam. Très. Kam taliban jadidan fil faslika ya Cheikh. Le suivant. Tullabina fihi asharatu tullabin jududin. Fihi, le damir ici il revient à qui? Fihi. T'aurais pu dire quoi? Si t'enlèves le damir, tu mettras quoi comme moi à la place? C'est-à-dire, il y a dans les tolabs, il y a 10 tolabs. Ces tolabs, ils sont où? Ah non, c'est faslika. Non. T'as dit Kam taliban jadidan fi faslika ya Cheikh. Il demande, il y a combien de classes dans ta. Il y a combien d'élèves, combien de nouveaux élèves dans ta classe? Au professeur, t'as dit Fihi. Et Fihi ici, c'est quoi? C'est comme si tu disais. Non, pas Fihi, ça. Fihi, fil fasli. Taïb. Au suivant. Men aïnahouma. Regarde bien. T'as dit quoi toi? Men. Regarde bien. Alaykoum salam. C'est min. Barakallahu fik. C'est quoi la différence entre men et min, Abdelkarim? C'est qui? Non mais pas en français. Bah. Je t'ai pas demandé de traduire moi. Dans l'utilisation. Barakallahu fik. Tu dis min hada? Ah voilà. Alors c'est quoi? Men, on l'utilise pour quoi? Sans regarder, laisse, là on parle. C'est les... Voilà, men hada. Et min? C'est les premiers temps, hein? Ah bon, Abdelkarim? N'est pas honte, si tu trompes, on corrige, t'as moi, alhamdoulilah. T'as pas révisé. Dis-moi, utilise min dans une phrase. من فرنسا باغ اكزومبل طيب مي سا انا با ترو يوتيليزي سا سا سي طبيعيه هنا طيب سي كوم سي تجي اكلت من الخبز سي كوم سي تجي اكلت من الخبز سادير جي مانجي اون بارتي دو بان سي با كوم موا جي فوز اي با انسيني سو مين لا باسكو الحروف الجر ايزون بوكو دو سانس نو انا با يوتيليزي سولي لا سي كوم سي تجي داوود من غوادلوب سي با دير اني سورتي دو لا غوادلوب fait partie des gens de la Guadeloupe parce qu'ils sont nés. Mine, on n'a pas on a utilisé ce mine-là, nous. Toi, t'es sorti d'où et t'es arrivé où? Je suis sorti de la France. Ouais, mais en arabe, vas-y. Karim, tout en français. Il a damage. T'as mine, il a quel sens, là? De début d'action. Les petits da. À réviser les frères. Et le harf al-jar, c'est mohim. Car ils ont quoi? Ils ont des sens. Quand tu dis akaltu min al khobz et kharajtu min fransa, c'est pas pareil ça. J'ai mangé, c'est-à-dire du pain, c'est-à-dire un morceau du pain. Hein? C'est pas dire j'ai mangé, je suis sorti du pain. Kharajtu min fransa, c'est autre chose. Barakallahu fik. Et quand tu dis ana min al jazair, ça veut dire quoi? Est-ce que tu es sorti de l'Algérie ou tu fais partie des gens de l'Algérie? Ah, là, t'as compris? Non. Alaykoum salam. Comment il a utilisé ah voilà, c'est autre chose là. C'est Stephen. Parce qu'il y a Aina. C'est pas le mine qui a fait ça. Min Aina Anta. Ana Min Guadeloupe. Je fais partie de ces gens-là. T'as compris? Ouais. C'est ça les subtilités de la langue arabe. Non. Taïb. Min Aina Hum. Akulluhum. Vas-y à toi, Afwan. من بلد واحد وسبا لا هم من بلد من بلاد مختلفة تريبيان منهم ثلاثة طلاب من الفلبين وأربعة طلاب من اليابان وطالبان من الصين وطالب واحد من ماليزيا تريبيان طيب لا هم لا هم من بلاد مختلفة منهم ثلاثة طلاب من الفلبين وأربعة طلاب من اليابان وطالبان من الصين وطالب واحد من ماليزيا. وسيفون. أفي فصلك طلاب من أمريكا. خبيا. نعم فيه سبعة طلاب من أمريكا. نعم فيه سبعة طلاب من أمريكا. هم جدودون. خبيا. هم جدودون. وسيفون. لا هم قدام قدامى. نعم لا هم قدامى. سل بلوريال دو قديم. أنسيان. كم طالبا فيه من أوروبا؟ كم طالبا فيه من أوروبا؟ فيه خمسة طلاب من إنجلترا. وثمانية. وثمانية طلاب من ألمانيا وسبعة طلاب من فرنسا. سبعة بزافيفو وستة. ستة. وستة طلاب من فرنسا وسبعة طلاب من. وتسعة رياضة. وتسعة طلاب من اليونان نعم في خمسة طلاب من إنجلترا وثمانية طلاب من ألمانيا وستة طلاب من فرنسا وتسعة طلاب من اليونان شكرا يا شيخ نعم طيب les des mots pas compris là je pense tout est compris non Yunnan c'est la Hollande non Yunnan la Grèce non, c'est la Grèce طيب شكرا سيدير ميرسي شكرا سيدير ميرسي سيدير شكرا شكرا نسي سيد مفعول مطلق أشكرك شكرا طيب تمارين الاكزرسيس aujourd'hui c'est un درس qui est très très important car vous le verrez même pas dans تحفة ça l'istiamal al-huruf ou al-a'dad, comment utiliser les chiffres. Et ça, on en a besoin beaucoup, beaucoup, dans même durant toutes nos journées. Regardez bien. Iqra waktub. Thalatatu tullabin. Arba'atu tullabin. Taïb. Qu'est-ce que je veux dire? Taïb. Khamsatu tullabin. Sittatu tullabin. Sab'atu tullabin. ثمانية طلاب تسعة طلاب عشرة طلاب طيب la règle aujourd'hui بارك الله فيكم elle concerne quoi de 3 à 10 طيب De 3 à 10. De 3 à 10, non. Et le 1, le 2, c'est le mutabaqa. Talibun wahidun. Talibatun wahidatun. Taïb. 1 et 2, ça se c'est quoi? C'est la même chose. Pour ça, ici, regardez bien, c'est la règle de 3 à 10. Taïb. Et celui qui n'a pas compris, Inch'Allah, il m'arrête. Hein. Pas à la fin, il me dit, j'ai pas compris. Taïb. C'est-à-dire la règle de 3 à 10, barakallahu fikoum, c'est quoi? Si la chose comptée, regardez bien, elle est masculine, le chiffre il sera féminin. Taïb. Je répète, la règle de 3 à 10, si la chose comptée... Tout le monde a compris cette phrase-là, la chose comptée? C'est quoi la chose comptée ici, Ibrahim? La chose comptée? Voilà, là. Hein? Là. La chose, là, regarde, s'il te plaît, Ibrahim. La chose qui est comptée, c'est quoi, là? C'est pour ça que je préfère demander à les élèves. Voilà. Taïb. Si la chose comptée est masculine, le chiffre, il serait quoi? Féminin. Taïb. C'est compris, ça? Comment? Taïb. Et si les chiffres... Maintenant, je vous donne l'inverse. Comme ça, vous aurez des deux côtés. Si de 3 à 10, le chiffre, il est féminin, vous me suivez bien. Si de 3 à 10... C'est-à-dire, le chiffre, il sera féminin. Comme vous le voyez là, thalatatu, arba'atu, khamsatu, sitatu, ila akhir. La chose comptée sera quoi? Masculin, pluriel. Et vous rajoutez, majrour. Taïb, on répète. Si le chiffre de 3 à 10 est féminin, taïb, si le chiffre de 3 à 10, il est féminin, la chose que tu vas compter sera masculin, pluriel et majrour. C'est-à-dire quoi? جمع مذكر مجرور. C'est comme Azim. Non, ça. Hadi, tu dis pas ça, Hadi. Hadi, c'est ton nom. Taïb. J'ai répété, je sais pas combien de fois. Taïb. J'ai dit si la chose comptée, si le chiffre de 3 à 10 il est féminin, la chose comptée, elle est masculin. Pluriel et majrour, c'est-à-dire mudhakkar, jam, majrour. Taïb. J'espère que c'est compris là. Taïb. Et quand on dit mudhakkar, barakallahu fikoum, c'est le mot quand il est singulier. Taïb. Après, vous allez comprendre pourquoi je vous ai donné ces détails-là. Hein? Par exemple, Tullaboun, il n'y a pas d'ishkel. Il n'y a pas de problème. Tullaboun, le singulier, c'est quoi? Taliboun. Hein? Mais si je vous dis par exemple, Ikhwatoun, quelle écriture il a là? Il a un sens. Comme si c'était écrit quoi? Au féminin. C'est vrai ou non? Mais à la base, il est quoi? Qu'est-ce qu'on dit? Akhoun. Vous avez compris? C'est pour ça que je vous dis quoi? De regarder le mot à l'état singulier. Hein, pour pas que vous dites, tiens, thalathatu ikhwatin, qu'est-ce qui se passe? Ikhwatin, à la base, c'est quoi? C'est masculin ou c'est féminin, ikhwatin? C'est masculin. Hein? Ikhwa, akhoun. C'est pour ça qu'il faut quoi? Il faut regarder à l'état de base, quand il est singulier. Vous avez compris le dernier truc, là, je viens de dire? Daoud? C'est Mohamed, toi? Tout le monde a compris? T'as compris? Abdelkarim? Taïm. On répète une dernière fois pour tout. Et après, on commence à lire, Inch'Allah. On a dit quoi dès le départ? On a dit la chose comptée. Si c'est un pluriel masculin, le nombre de 3 à 10 sera comment? Féminin. Taïm. Moi, je vous ai donné des deux côtés, comme ça, Inch'Allah. Ça, vous ne serez pas perturbé. Après, je vous ai dit quoi? Si le chiffre de 3 à 10, il est féminin, la chose comptée sera quoi? Masculin, pluriel, majrour. Mudhakkar, jam', majrour. Après, restez une chose qui est importante. Quand on dit masculin, c'est au singulier qu'il faut regarder, pas au pluriel. Hein? Et l'exemple, pourquoi je vous ai dit ça? Pour pas que vous, quand vous allez vous retrouver, par exemple, avec le pluriel de akhoun, on peut dire quoi? Ikhwatoun, y'a un ta marbota. Le ta, c'est un des signes le plus souvent de quoi? De féminité. C'est vrai ou non? C'est pour ça que quand tu dis thalathatu ikhwatin, hein? Pour pas que vous vous perturbez avec ça. Alhamdulillah. celui qui a compris ce dars là aujourd'hui, il comprendra celui de demain. Ce sera l'inverse. Qu'est-ce que ça veut dire, ce sera l'inverse? C'est-à-dire, si le chiffre de 3 à 10, il est masculin, la chose comptée sera féminin, au quoi? Au pluriel, mashrou. Voilà. C'est pour ça, celui qui a compris ça aujourd'hui, demain, normalement, il fait le dars tout seul, même si... Bismillah, on lit. Iqra, waktoub, grand 2. Pas de questions, inshallah, tout le monde a compris? Vas-y. Andi khamsatu kutubin wa salathatu... Pas wassa. وثلاثة وثلاثة أقلام أقلام très bien. عندي خمسة كتب وثلاثة أقلام إن شاء الله tout le monde a compris là. Au suivant. خالد له ستة أبناء نعم. Au suivant. أخ لك يا آمنة لي أربعة إخوة. Regardez là, il vous met l'exemple en plus. Comme Akhan Laki et Amina, li arba'atu et khwatin. Taïb. Fil usbu'i. Fil usbu'i. Seb'atu ayyamin. Non. Fil usbu'i, seb'atu ayyam. C'est-à-dire, 7 jours suivants. Kam riyalan indaka l'an ya Omar. يا عمار يا عمار نعم عندي الآن ثمانية ريالات نعم في هذا الحي تسعة بيوت جديدة مام ريال على بس سي كوا سي كوا سون بري سون جيلي ريال ريال يا با دو تا ها اي بورتون انا دي كوا ريالات vous avez bien compris pourquoi on a fait la remarque tout à l'heure hein comme ça là vous voyez quoi du féminin mais sinon le mot à la base il est masculin طيب ان شاء الله refait Mohamed Rafoul. في هذا الحي تسعة بيوت جديدة. نعم. لهذه السيارة. عليكم السلام. أربعة. كبت لهذه السيارة. لهذه السيارة. لا سيارتي. Regardez, on va pour que vous compreniez. Quand il y a hadihi et derrière il y a alif wa lam, ça prendra la même terminaison. Parce que hadihi c'est le mot d'après. Le fond. C'est un badal. C'est comme si tu remplaçais ce mot par ce mot-là. T'as compris? C'est compris ça? Quand il y a hadihi par exemple, il y a un hafzer qui rentre dans hadihi, le mot d'après, tu vois qu'il y a alif ou lam, c'est la même chose. Tu peux le remplacer. C'est comme si tu disais quoi? Si tu enlèves hadihi et tu mets le hafzer, li siyarati arba'atu abwab. Et li hadihi siyarati arba'atu abwab. Est-ce qu'il y a une différence au niveau du sens? C'est la même chose. هذا هو. طيب. Au suivant. كم ثمن هذا الكتاب؟ ثمنه سبعة ثمنه سبعة ريالات ونصف. نعم؟ ونصف يا استاذ. اي نعم ونصف. بارك الله فيك. طيب. كم ثمن هذا الكتاب؟ ثمنه سبعة ريالات ونصف. Au suivant. كم ثمن هذا في هذا الفصل عشرة طلاب قدامى وأربعة طلاب جدد طيب صفة تفهمين صح في هذا الفصل عشرة طلاب قدامى وأربعة طلاب جدد صفة كم قميصا عندك يا إبراهيم عندي أربعة قمصان نعم عندي ريالان وخمسة قروش عندي ريالان وخمسة قروش سلمونيس قروش طيب القرش سبا في هذه الحافلتي نعم عشرة ركاب خدمة في هذه الحافلة عشرة ركاب Non. Là, ma phrase, j'ai dit là. J'ai dit la phrase que j'ai récitée, que j'ai dit. Ouais. J'ai dit Thamanuhu Sabata Riyala. Sabatu. Sabatu. Sabatu Riyala. Ah ouais, c'est ça. Ça ouais. Ah, c'est ce que t'as dit Sabatu. Du coup, j'avais dit Sabata Riyala, mais tu m'as pas encore dit. Non, non, j'ai dit Sabatu. Non, par contre. Grand 3, Ajib Anil Asila Al-Atiya. مستعملا العداد المذكور بين القوسين il te demande اجيب عن الاسئله réponds aux questions suivantes مستعملا العداد المذكور en utilisant les chiffres cités بين القوسين entre parenthèses lampe. Tu as compris ça? Al qaws. Ta lampe elle allumée. Taïb. Comment? Al qaws. Mithal, kam kitaban indaka. Taïb. Le chiffre ici entre parenthèses c'est quoi? C'est le 3. Il dira indi talatatu kutubin. Taïb, inshallah. Également un petit truc qu'on a oublié, c'est que le chiffre il prend pas de tanwin. Parce que ça fait quoi? Un mudaf mudafilia. Un sens de comme mudaf mudafilia. Tala, tu dis pas talatatun kutubin. Taïb, talatatu kutubin. Taïb. On s'est arrêté où? Tfaddal. Vas-y, moi je lis, tu réponds direct. Kam akhan laka ya hamidu. Li khamsatu ikhwatun. Très bien. Li khamsatu ikhwatun. Kam amman laki ya Layla. Ikhwatun ou ikhwatin? Ikhwatin, afwan. Ikhwatin. Barakallahu fikum. Je réponds? Oui. Li arba'atun amma amma amma min. Très bien. Kam ibnan laka ya shikh. Li نعم ابنائي كم سؤالا في هذا الدرس في هذا الدرس sans utiliser الدرس tu diras فيه فيه très bien ثمانية سؤالات سؤالات أو أسئلة طيب أسئلة طيب كم راكبا في الحافلة ما معنى راكبا راكبا لا راكبا للباساجي راكب راكب نعم راكبا Voilà, avec un kaf. Taïb. Les passagers. Les passagers, très bien. Kamra kiban fil hafilati. Tu diras c'est neuf. Fihi. Là. Fiha. Fiha. Famaniatu. Tishatu. Non. Rakibin. Rakibin. Rakibin. Le pluriel, on l'a pas vu le pluriel. Rokub. Rokubin. Taïb. كم ريالا في جيبك؟ نعم كم ريالا في جيبك؟ فيه سبعة ريالان ريالات ريالات ريالات نعم كم ثمن هذا الكتاب؟ عشرة ريالات طيب ثمنه تبغي عشرة ريالات طيب غاكات اكتب الأعداد من ثلاثة إلى عشر واجعل كل من الكلمات الآتية معدودا لها هاي تدمد اكري لي شيفر دو 3 à 10 واجعل كل من الكلمات الآتية معدودا لها après qu'est-ce que tu fais les mots d'après tu lui mets un par exemple là on a kitab tu diras quoi عندي ثلاثة كتب طيب c'est compris l'exercice là Ado Abdelkarim Tu prends le chiffre, attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et prends le 3, on l'a fait le premier. Indi talata kutubin. Le 4, vas-y, qalam, tu diras. Indi arba'atu aqlamin. Très bien, mashallah. Indi arba'atu aqlamin. Au suivant. Tu utilises les chiffres de 3 à 10 en utilisant ces mots-là. Sinon ça, laissez-le, faites-le tous hein, à la maison et demain je vous poserai la question sur ça. Taïb, Inch'Allah, comme ça vous aurez le temps de bien les faire. Taïb, vous avez compris l'exercice? C'est-à-dire tu le mets dans une phrase. T'as compris? Les mots qui sont devant vous, regardez, les mots qui sont devant vous, vous les mettez dans une phrase et en utilisant chaque fois un nombre. Par exemple, Kitabun, tu prends le chiffre 3. Qalamun, comme il a fait Abdelkarim. Tajirun ila akhir. Taïb, Inch'Allah. الكلمات الجديدة الثمن سيار لبخي نصف لموتي ريال جمع ريالات سيار ريال الحافلة جمع حافلات لبوس سؤال جمع أسئلة كيستيون البلد جمع بلاد بي أوروبا لوروب فرنسا سيار فرنس مختلفة سيار ديفرنس طيب و ديفرنت طيب Par exemple, tu dis عنده لغات مختلفة différentes langues إلى الآخر اليوم جمع أيام le jour le pluriel القرش جمع قروش c'est pas une monnaie en Égypte ça ceux qui sont été en Égypte c'est des centimes ça طيب راكبون جمع ركاب nous on avait dit quoi, Rukub? La Rukab, hein? Okay. Non, passager. Qadim, jam Qudama, c'est-à-dire ancien. Al-Jib, jam Juyub, poche. Alman, Almania, l'Allemagne. Yunan, la Grèce. Malaisia, la Malaisie. Non. Lisez le texte, hein, pour demain, comme ça, ça ira vite. Tout le monde a compris, Inch'Allah, le dars? Si. Non, mais pas de mal, vas-y.